Merci Nicolas de m'avoir invité à cette journée d'études. Merci le château de Versailles de nous accueillir dans une salle appelée des colonnes, ce qui donne justement le sens de la grandeur du règne dont nous allons en particulier parler aujourd'hui. Bon, je vais commencer, oui. Donc, dans un colloque consacré à la modernité de Voltaire historien, j'ai proposé une communication sur la modernité ambiguë. Ce sera autour, donc, effectivement, de ces ambiguïtés qui va tourner mon propos. Voltaire, donc, est un historien de la modernité. L'intitulé de ce colloque l'affirme. Plusieurs ouvrages le proclament, et ceci depuis la fin des années 1950, jusqu'il y a quelques mois. On ne saurait le nier. Les temps qui s'écoulent de François Ier à Louis XV, ces temps appelés modernes, bien avant Voltaire, marquent pour celui-ci une rupture dans l'histoire universelle, européenne et extra-européenne. Ils marquent l'émergence d'une phase nouvelle de l'histoire humaine, pendant laquelle on assiste à un processus de perfectionnement de la raison, tout à fait spécifique, une raison devenue de plus en plus critique, c'est-à-dire scientifique et tolérante, une raison qui s'exprime désormais dans un contexte social, économique, caractérisé entre autres par l'essor définitif et décisif des activités commerciales. Le commerce, c'est le moderne, le commerce, c'est la paix. Le siècle de Louis XIV, en tant qu'œuvre historique, et en tant que période chronologique, serait une des expressions les plus accomplies de cette modernité. Je pourrais achever ici mon intervention. L'essentiel semble être dit. Pourtant, cet ensemble de résultats historiographiques n'est pas tout à fait satisfaisant et demande à être nuancé, voire précisé. Des obscurités, des ambiguïtés demeurent, en particulier à propos de la notion même de modernité. À l'époque, le terme était inconnu, je vais y revenir. L'absence du mot ne signifie pas l'absence de la chose, bien sûr. Toutefois, l'imprécision lexicale est gênante. Lorsqu'on affirme de manière péremptoire que Voltaire est un historien de la modernité, en utilisant le mot, il faudra bien clarifier sa signification par rapport à l'objet historique qu'il désigne, en particulier si l'on veut l'appliquer à l'exemplarité moderne du siècle Louis XIV. Car sur ce point, une considération des thèmes de fond qui innervent le siècle Louis XIV invite à la prudence. Deux aspects de l'ouvrage, au moins, retiennent l'attention. D'une part, la périodisation par siècle privilégie le mouvement cyclique au détriment du mouvement linéaire, mouvement historique éminemment moderne. D'autre part, les manifestations historiques concrètes du thème de Louis XIV, aussi bien du point de vue politique qu'économique, voire religieux, sont loin de constituer un modèle pour le XVIIIe siècle qui se veut moderne. La même réserve peut être exprimée à propos du roi lui-même, dont les agissements ne sont pas toujours à la hauteur d'une raison perfectionnée. Henri IV, faut-il le rappeler, est pour Voltaire un roi plus grand que Louis XIV. Je n'entends aucunement sous-estimer l'apport de Voltaire à l'émergence à la fois d'une manière moderne d'écrire l'histoire et d'une compréhension profonde des nouveautés de son monde par rapport à celui de la tradition, notamment médiévale. Voltaire aime le monde moderne, le monde qui est le sien. Il le considère comme un domaine privilégié de l'historien. Mon questionnement autour du contenu pleinement moderne du siècle XIV vise plutôt à souligner le souci voltairien de la nuance et du clair-obscur, son refus de tout système, qui est la marque de fabrique justement d'un esprit vigilant et critique, c'est-à-dire d'un esprit résolument moderne. Mais justement, on commence par le premier point. Comment peut-on définir justement les traits propres du monde moderne? La tâche étant immense, je me limiterai ici à quelques remarques très générales, finalisées à mieux comprendre la vision voltairienne. Tout d'abord, je l'ai déjà rappelé, le mot modernité n'existe pas au XVIIIe siècle. La première occurrence se trouve dans une nouvelle de Balzac en 1822, la seconde dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand en 1841. Au milieu du XIXe siècle, Baudelaire donne définitivement droit de citer au mot, en lui attribuant le sens d'une époque esthétique. Au cours du siècle et demi suivant, jusqu'à nos jours, le mot de modernité est utilisé comme un résumé commode par les philosophes, par les historiens, par les critiques littéraires, par les théoriciens de l'art, chacun y apportant son lot de précision ou d'imprécision conceptuelle. Les mots d'une extrême volatilité, désignant tour à tour, selon les personnes, les François Ier, Weimar et les clercs de l'an 1000, pour y trouver le mot modernité utilisé à toutes les sauces. Les deux plus importants dictionnaires consacrés à l'époque moderne, par l'historien Bailly d'un côté et le critique littéraire de Londres de l'autre, ne participent pas à cette cacophonie critique. Aucune entrée modernité n'est prévue. Seulement, aucune entrée n'est prévue non plus pour le mot moderne. Il en est question uniquement dans l'article Querelle, des anciens et des modernes, ce qui est tout à fait logique. Les répertoires critiques les plus accrédités n'intègrent donc pas une utilisation abstraite du mot moderne, car la modernité, c'est comme la beauté. Tout ce qui est beau, c'est la beauté. Tout ce qui est vrai, c'est la vérité. Tout ce qui est moderne, c'est la modernité. Mais ce sens-là n'est pas accrédité. Une étude des dictionnaires des occurrences sur l'ensemble du XVIIIe siècle établit en réalité le caractère marginal même du mot moderne. Les divers dictionnaires, Furtière, Académie, Trévoux, désignent le terme de manière vague. Moderne, ce qui est nouveau, ce qui est récent, ce qui est en usage au cours des derniers siècles, sans précision chronologique. Son champ d'utilisation, c'est très important, est restreint aux sciences et aux arts, et non pas à l'histoire générale. Les historiens, donc la chronologie de ce point de vue-là, est une chronologie courante. C'est-à-dire, le moderne du point de vue des sciences et des arts, c'est la période qui va de la Renaissance à l'époque actuelle. Les historiens, eux, ne partagent pas cette chronologie. L'histoire moderne, pour eux, est l'histoire de l'Occident. Depuis la chute de l'Empire romain, au Ve siècle, jusqu'au temps présent, cela est vrai pour l'anglais du Fresnoy, pour Meigan, qui fait un très grand tableau de l'histoire moderne. Cela est vrai pour la Universal History, publiée en Angleterre dans les années 70. Le mot qu'on puisse dire est que la notion de moderne elle-même est loin d'être clairement et uniformément définie à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. En enseignant très souvent mes étudiants, surtout en première année, le mot modernité met bien à l'esprit, ça me permet d'aller très vite, pour une sorte de flou à la signification. Peut-on trouver dans l'œuvre globale de Voltaire une notion plus précise? À partir des occurrences constatées, on décèle trois usages du mot. L'usage courant, voire banal, à savoir moderne comme synonyme d'aujourd'hui, récent, nouveau. Deuxième usage, l'usage stéréotypé, lié à la querelle, le moderne opposé à l'ancien. Et l'usage axiologique, l'adjectif moderne désignant une invention, un ouvrage, un événement, qui vont dans le sens positif d'un perfectionnement de la raison. Abordant la question de ce point de vue, on arrive au résultat suivant. Voltaire reprend la double chronologie courante à son époque. Considéré du point de vue des sciences et des arts, le moderne commence au temps de Pétrarque et de Dante. Il a déjà connu plusieurs phases de perfectionnement. Dans les questions sur l'encyclopédie, je passe quand même quelques citations. Certains savants, tous appartenant à ce fameux dernier siècle, siècle moderne, donc du point des sciences et des lettres, certains savants sont affublés de l'adjectif moderne. Il y a des géomètres modernes, des astronomes modernes, des philosophes modernes, des auteurs de théâtre, des théologiens, des historiens modernes. Et c'est tout. On ne trouve pas le terme, ou presque pas, pour le reste. Il y a, c'est vrai, des nations et des langues modernes, mais dans ce cas, la chronologie remonte jusqu'aux monarchies issues des invasions des barbares et de la dislocation médiévale du latin. Et en ce sens, cela rejoint le sens de l'historique. Si on recherche, en revanche, la périodisation de l'histoire moderne en général, au-delà des sciences et des arts, c'est-à-dire de l'histoire politique, sociale, des mœurs, sa chronologie n'est pas la même que celle du moderne esthétique ou philosophique. En s'adressant à Madame de Châtelet, il écrit dans l'essai sur les mœurs : Vous voulez enfin surmonter le dégoût que vous cause l'histoire moderne depuis la décadence de l'Empire romain. On remarqua d'abord que depuis Charlemagne, dans la partie catholique de notre époque Europe chrétienne, la guerre de l'Empire du sacerdoce fut, jusqu'à nos derniers temps, le principe de toutes les révolutions. Cela, écrit-il, le fil qui conduit dans le labyrinthe de l'histoire moderne. On commence par Charlemagne. Autrement dit, Voltaire n'évoque jamais un État moderne, une jurisprudence moderne, des manufactures modernes, etc., en tant que modèle, en tant que réalisation positive. Cela ne fait pas partie de son lexique. En revanche, le terme moderne peut parfois accompagner des remarques critiques, voire très critiques, portant sur certains savoirs, certaines pratiques ou certaines institutions de son temps. Il y a donc une évidente ambiguïté. Cela vaut aussi bien pour les sciences et les arts que pour l'histoire générale. Le moderne, à savoir les événements et les valeurs qu'a connues l'Europe au cours des derniers siècles, n'attire pas l'admiration sa réserve de Voltaire. L'on s'en fout. Concernant le domaine des sciences et des arts, c'est vrai, la supériorité des modernes n'est ni absolue ni définitive. Je cite, « Il y a donc des genres dans lesquels les modernes sont de beaucoup supérieurs aux anciens et d'autres, un très petit nombre, dans lesquels nous leur sommes inférieurs. » C'est à quoi se réduit toute la dispute. Suit une phrase que je crois très importante, que je vais reprendre par la suite. La raison et le goût, la raison et le goût veulent, ce me semble, qu'on distingue dans un ancien comme dans un moderne, le bon et le mauvais, qui sont très souvent à côté l'un de l'autre. En particulier, la pratique historique s'est perfectionnée, ma peine. Voltaire estime qu'à son époque, aucun historien n'a réalisé une véritable histoire digne de l'époque moderne. Il m'est arrivé d'écrire un texte pour montrer que le seul historien digne de ce nom à l'époque de Voltaire est pour Voltaire, Voltaire lui-même. C'est une autre histoire. Du point de vue moral, les anciens ont tout dit. Je cite, en métaphysique, en morale, les anciens ont tout dit. Nous nous rencontrons avec eux ou nous le répétons. Tous les livres modernes de ce genre ne sont que des redites. Quant à la théologie, les modernes profèrent les mêmes sottises que les anciens. Les athées modernes, Jean d'Holbach, ne faisant pas mieux. La poésie des modernes, notamment au XVIIIe siècle, est sèche et aride par rapport à la poésie antique. Le seul progrès notable lié au temps moderne concerne la philosophie et les sciences. Locke et Newton, qui sont les saints protecteurs de la pensée voltairienne, tous deux anglais, et je reviendrai sur ce point des anglais. Considérés du point de vue proprement historique, les temps modernes ne sont pas moins violents et irrationnels que les temps anciens, notamment lorsqu'il est question de religion. Dans les derniers siècles, il s'est joint à ces querelles religieuses une animosité violente de prêtres contre prêtres et de peuple contre peuple sur des matières de controverse absolument incompréhensibles. Ce qui a provoqué la mort de plusieurs rois, l'exécution de plusieurs rois, a provoqué la mort de centaines de milliers de personnes, et, ajoute Voltaire, même à des temps plus doux, je cite, c'est-à-dire les siens, et plus éclairés, où un écrit qui insulte au bon sens produit plus de brochures que la Grèce et Rome ne nous ont laissé de livres, ou je ne sais quel billet, les billets de confession du début des années 50, mettent tout en rumeur. On ne sera pas étonné non plus. On comprendra pourquoi l'opinion n'a causé aucun trouble chez les nations de l'Antiquité et pourquoi elle en a produit des si affreux et des si ridicules chez presque toutes les nations modernes de l'Europe et surtout chez une nation qui habite entre les Alpes et les Pyrénées. On trouve même que la prolifération si moderne des imprimés, qui force souvent l'admiration de Voltaire, est vue ici comme un fléau possible. L'instrument d'une agitation sociale qui va au détriment du bon sens et ouvre les vannes au fanatisme. Que dire de la politique moderne, de la manière moderne de faire de la politique? Voltaire n'y parle pas trop en termes explicites, mais dans un passage sous Walpole, le premier ministre anglais du début du XVIIIe siècle, qu'il apprécie d'ailleurs parce qu'il était sage, etc. Mais il écrit également, il connut Walpole, mieux que personne, le crainteur des gouvernements modernes. Deux points, l'art de diviser et de corrompre. Il avait parfaitement raison, Walpole était un corrompu notoire, mais il lit quand même le moderne à une pratique machiavélienne du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Les temps modernes sont aussi caractérisés par de nouveautés pas très rugissantes. Les duels, l'usage des duels qui se perpétuent si longtemps et qui commençaient avec les monarchies modernes. Les anciennes nations n'eurent point cette barbarie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va faire l'éloge de la suppression, de l'abolition, soi-disant abolition des duels par Louis XIV. Et on sait très bien que c'était une sorte d'hypocrisie collective à laquelle Voltaire participe, car les duels sont abolis, mais les duels n'ont jamais été aussi présents que sous le temps de Louis XIV. Le duel donc, mais aussi la jurisprudence. Il écrit, nous sommes en 68, il est inconcevable que la jurisprudence, et pas de la jurisprudence de son temps, soit si barbare, dans une nation si légère et si gaie. Ce que je crois, c'est parce que nos égréments sont très modernes et notre barbarie très ancienne. Faut-il rappeler que la lutte contre le scandale de Calas, de la barre, eh bien, c'est une lutte contre la jurisprudence française, contre le code de procédure, qui ont été les codes de procédure des grandes ordonnances de Louis XIV. Mais enfin, rien de ce que Voltaire désigne comme moderne, au-delà du domaine des sciences des lettres, ne trouve grâce à ses yeux. Il faut dire que les références sont rares. En expliquant en quoi l'histoire moderne est utile, il écrit « Enfin, la grande utilité de l'histoire moderne, et l'avantage qu'elle a sur l'ancienne, est d'apprendre à tous les potentats que depuis le XVe siècle, on s'est toujours réuni contre une puissance trop prépondérante. Voilà un premier trait de moderne. Politique moderne, c'est-à-dire l'équilibre des puissances comme principe de politique étrangère, de l'ensemble de cette res publica qui était devenue l'Europe. La tolérance aussi, un mot sur la tolérance moderne, un seul. À propos de Catherine II, assez tardivement, non seulement cette princesse est tolérante, mais elle veut que ses voisins le soient. Voilà la première fois qu'on a déployé le pouvoir suprême, pour établir la liberté de conscience. On voit très bien qu'effectivement, la révocation de l'édit de Nantes n'est pas véritablement un vrai modèle. C'est la plus grande époque, continue-t-il, que je connaisse dans l'histoire moderne. Enfin, il y a des améliorations dans les techniques de production, notamment dans le textile. Il y a des citations disant qu'ils préfèrent les tissus d'aujourd'hui aux tissus d'autrefois parce qu'ils sont modernes. Mais enfin, cela reste tout de même relativement superficiel. Je suis conscient qu'abandonnant la référence stricte au terme moderne, on pourrait repérer, si on abandonne cette référence, c'est-à-dire si on abandonne la recherche de l'occurrence moderne, on peut repérer chez Voltaire de passages excessivement nombreux, exaltant les conquêtes scientifiques, techniques, sociales, économiques de son temps. Tous les lecteurs de Voltaire les connaissent. Le monde qu'il aime est celui de la sécularisation croissante de la société, de la tolérance religieuse, il trouve des exemples, d'autres, au-delà du terme moderne, de l'équité, de la douceur judiciaire, du développement des commerces, de la liberté politique, etc. Liberté politique, cependant, notamment dans sa manifestation anglaise. Car, faut-il avouer, la liberté politique au temps de Louis XIV n'était pas véritablement une priorité ni pour le roi, ni pour les élites, ni pour le pays. En amont, il aime l'esprit critique et la raison critique scientifique dominant tous les aspects de l'existence sociale. Toutefois, l'analyse de son utilisation du terme moderne nous permet tout de même de comprendre que celui-ci, Voltaire, nous renvoie à une notion dotée d'une valeur interprétative forte. Le moderne n'est pas une notion interprétative forte pour Voltaire. La modernité et j'utilise le mot une seule fois dans toute la communication, parce que j'ai déjà prévenu que je ne suis pas particulièrement favorable, la modernité que l'on permet d'utiliser dans le fois ce mot n'est pas une notion philosophique. Le moderne n'est pas une notion philosophique, au sens voltairien du terme. Le moderne n'est pas une valeur en soi. C'est une notion qui relève d'un constat historique. Au cours des 10 derniers siècles, l'histoire européenne, et notamment au cours des 3 derniers siècles pour les sciences et les arts, l'histoire européenne a progressivement vu émerger un nouveau monde social, politique, culturel, qui devient de plus en plus intéressant pour les hommes d'aujourd'hui, le passage est très célèbre, au fur et à mesure qu'ils s'approchent de nous. Il y a donc des modernités progressives. Je cite, « Plusieurs esprits infatigables ayant débrouillé autant que l'on peut le chaos de l'Antiquité et quelques génies éloquents ayant écrit l'histoire universelle jusqu'à Charlemagne, je parle bien sûr de Bossuet, je regrettais qu'il n'ait pas fourni une carrière plus longue. J'ai voulu, pour m'instruire de ce qu'ils ne disent pas, mettre sous mes yeux un précis de l'histoire, laquelle nous intéresse à mesure qu'elle devient plus moderne. » Il y a donc des situations plus modernes que d'autres. L'histoire moderne est d'autant plus intéressante qu'elle se rapproche de nous. Mais pourquoi? La réponse est étonnante. L'histoire moderne est plus sûre que l'histoire ancienne, et le tableau de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos superstitions est aussi plus intéressant. L'histoire moderne est plus sûre que l'histoire ancienne, et le tableau de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos superstitions est aussi bien plus intéressant. C'est dans l'histoire de nos propres folies qu'on apprend à être sage, et non dans les discussions ténébreuses d'une vaine antiquité. Les temps modernes ne sont donc pas pour Voltaire moins fous que les époques précédentes. C'est seulement puisque nous avons plus d'archives et plus de connaissances les concernant qui résultent plus utiles pour faire connaître la folie des hommes. Avec le moderne, nous ne sortons pas de l'histoire des hommes comme on l'a connue depuis l'Antiquité, c'est-à-dire une histoire des folies et des sottises. Bref, l'idée de moderne ne sert que très peu à comprendre la démarche historique de Voltaire. La définition plutôt rhapsodique du moderne est soumise à une notion bien autrement importante, celle du perfectionnement de la raison, dans le temps, depuis la raison commencée des premiers hommes jusqu'à Newton. Le moderne n'est qu'une manifestation de ce processus, une manifestation qui doit être évaluée à l'aune de critères et de valeurs qui semblent intemporels. Le bon goût, la raison scientifique, la morale naturelle, la religion naturelle, tout cela précède le moderne et sert à juger ce qui est moderne. Pour certains aspects, les temps modernes réalisent des avancées considérables de ce perfectionnement. Pour d'autres aspects, ils constituent une impasse. Autrement dit, les temps modernes ne sont nullement un aboutissement de l'histoire de l'humanité. S'il y a des lois de perfectionnement, tout au moins des tendances, il n'y a pas de loi du moderne, mais seulement des traits du moderne, que l'on peut repérer par-ci et par-là sans caractère systématique. Le moderne n'a pas une valeur en soi, car l'aujourd'hui n'est pas par définition mieux qu'hier. C'est ça l'idée fondamentale du moderne, c'est qu'aujourd'hui nous sommes plus heureux qu'hier. C'est très discutable chez Voltaire, très très discutable. Est-ce que l'organisation, et je passe au siècle, je pense que j'ai le temps, est-ce que l'organisation, la philosophie générale et les résultats historiographiques du siècle XIV en tant qu'ouvrage confirme l'hypothèse que je viens de vous proposer? Le siècle XIV est pour Voltaire une époque pleinement moderne. Commençons par le premier point. Dans l'introduction, j'avais évoqué 3 points en fait. La question du moderne, la question du siècle, et la question de l'histoire du règne de Louis XIV. Voyons maintenant la question du siècle. S'engageant à écrire une histoire générale du règne de Louis XIV, Voltaire choisit une périodisation originale par rapport aux usages du temps. Pourquoi original? Aucun ouvrage comprenant 24 chapitres d'histoire militaire, 4 d'anecdotes, 2 d'affaires intérieures, 5 d'histoire religieuse et seulement 4 et encore de très courts chapitres sur l'histoire des sciences, des arts et des lettres, n'avait jamais été présenté au public comme un siècle. En effet, le terme « siècle » était couramment utilisé par les théoriciens des arts et des belles-lettres et servait à l'époque pour indiquer une phase de développement des savoirs scientifiques, artistiques, littéraires, sans référence particulière à l'histoire politique, militaire ou religieuse, qui faisait une sorte de plan, de tableau derrière. Mais ce n'était pas le problème essentiel. Perrault et Dubos, et Dubos par exemple, Perrault, le siècle devant lui, Dubos, etc., avait proposé cette périodisation par siècle. Voltaire connaît parfaitement ces deux auteurs, s'en inspire, il les cite, il les copie, hein, comme j'ai pu largement prouver dans l'édition, mais il en modifie tout de même le sens. Le texte qui ouvre le siècle XIV est très célèbre, mais je me permets de le rappeler. Tous les temps ont produit des héros et des politiques, tous les peuples ont éprouvé des révolutions, toutes les histoires sont presque égales. Toutes les histoires sont presque égales, vous voyez comment le moderne. Pour qui ne veut mettre que des faits dans sa mémoire. Mais quiconque pense, et ce qui est encore plus rare, quiconque a du goût, ne compte que 4 siècles dans l'histoire du monde. Ces 4 âges heureux sont ceux où les arts ont été perfectionnés et qui, servant d'époque à la grandeur de l'esprit humain, sont l'exemple de la postérité. C'est un texte fondamental, car nous comprenons bien là que le critère essentiel de périodisation, c'est le goût, le bon goût, et que ces 4 âges heureux sont ceux où les arts ont été perfectionnés, et non pas où l'État a été perfectionné, où la jurisprudence a été perfectionnée, ou tous les autres domaines de l'histoire. Donc lui, il applique une périodisation éminemment culturelle pour rédiger un ouvrage dans lequel il y a 4 chapitres sur 39 consacrés aux sciences, aux lettres et aux arts. Tout le monde là, donc, une sorte de il force un peu pour appliquer la lame. Peu importe, on est courageux. La logique cyclique d'une telle périodisation l'inscrit donc dans une histoire universelle du perfectionnement de l'esprit humain qui réduit singulièrement la spécificité du moment moderne du siècle de Louis XIV. Vu à partir d'une conception intemporelle du bon goût que d'aucuns appellent la conception classique. Le temps de Périclès et de Virgile ne sont pas moins modernes que ceux de Racine. Je reviens au texte tout à l'heure. La raison et le goût veulent, ce me semble, qu'on distingue dans un ancien comme dans un moderne le bon et le mauvais, qui sont très souvent côte à côte. Le véritable bon goût n'est pas plus ancien que le moderne. Toutes les activités humaines liées au domaine de la beauté et du bon goût ne connaissent pas un perfectionnement qui puisse en révolutionner la nature pérenne. Le siècle XIV n'est pas une révolution, n'est pas une rupture par rapport à cette périodisation-là. Que les modernes aient pu réaliser uniquement, pour certains aspects, des formes plus perfectionnées du bon goût est en fait, d'après Voltaire. Racine et Molière sont supérieurs à leurs homologues grecs. Mais cela n'entraîne nullement que le moderne dans son ensemble soit le seul modèle pour les générations futures, un modèle plus parfait que celui des anciens. La raison esthétique voltairienne, le bon goût, appartiennent au monde de la répétition du même. Ils appartiennent au monde du cycle. Toute logique historique du cycle connaît inévitablement une décadence. Le siècle de Louis XV est là pour le prouver. Et l'on pourrait multiplier les citations sur la décadence esthétique du temps de Louis XV. Par conséquent, en tant que sommet d'un cycle de perfection esthétique, le caractère moderne du siècle Louis XIV est ambigu. Il est moderne, car il est de notre temps, dirait Voltaire, parce qu'il est advenu dans nos temps modernes. Mais en même temps, il n'est pas porteur d'une spécificité du monde moderne, porteur d'un modèle esthétique inconnu à d'autres époques. Car le bon goût est de tous les temps et ne se manifeste ponctuellement que par le biais d'avatars inscrits dans un temps donné. Le même avatar dans un temps donné. L'idée de décadence est consubstantielle à celle de cycle historique. En revanche, si on se tourne vers la réalisation de la raison scientifique, et là nous sortons un peu de la question du siècle, de la raison scientifique et philosophique, on change de perspective et de périodisation. On passe de la logique cyclique des siècles à la linéarité d'un perfectionnement possible, continu, cumulatif. Bien que jamais cette continuité ne soit considérée comme nécessaire. Ancien physique, que l'on pense à nouveau, voyez, je cite des auteurs qui ne sont pas spécialement français, que l'on pense à Newton en philosophie, que l'on pense à Locke. En géométrie, il vaut mieux ne pas penser à Descartes, qui n'a donné que le fa à une fable, alors que nous sommes au XVIIe siècle, nous sommes en plein à l'époque moderne. Donc les modernes sont capables de fables. Ou bien l'on considère le développement des techniques manufacturières ou militaires, le monde moderne est plus perfectionné que le monde ancien. Cela vaut également sur le plan de l'organisation politique et sociale, ainsi que par rapport à la tolérance religieuse. Mais comment articuler donc ces deux aspects? Le siècle comme cycle, et le siècle comme moment de nouveauté. Celui du cycle est celui de la linéarité problématique. Si on se tourne un instant vers l'essai sur le mœurs, la question ne se pose pas. La périodisation par siècle a complètement disparu. Car l'essai sur le mœurs traite du perfectionnement de l'esprit humain au cours du temps. Non pas du point de vue esthétique du bon goût, ou à peine, mais de celui des organisations politiques, des lois, des mœurs de chaque peuple. Or, si perfectionnement proprement historique de l'esprit humain peut se réaliser indépendamment des siècles de perfection historique, il est également vrai que ces siècles heureux, pendant lesquels Platon enseigne Aristote, Virgile côtoie Auguste et Laurent le Magnifique converse avec Botticelli, correspondent également à des moments hauts, des moments de grandeur d'un peuple. Et le mot grandeur est fondamental. C'est bien cela qui explique le choix de Voltaire de faire l'éloge du règne de Louis XIV. À travers sa transformation en siècle, c'est pour lui garantir une grandeur universelle, de l'inscrire dans l'histoire des grands moments de la civilisation humaine. C'était également une manière d'affirmer que le moderne, la raison critique et scientifique d'aujourd'hui, n'est pas incompatible avec la beauté et la grandeur artistique. Le monde moderne n'est pas incompatible avec la grandeur littéraire et artistique qui qualifie au plus profond l'humanité éclairée. Il s'agit véritablement d'un éloge militant et chronologiquement paradoxal de l'époque moderne de sa grandeur, par Racine et Lebrun interposés. Ce sera l'argument central qu'il va utiliser pour expliquer à son ami, l'anglais, encore une fois, Lord Harvey, dans une lettre célèbre, pourquoi, malgré Newton, malgré Locke, malgré la liberté politique assurée par les parlements en Angleterre, le système parlementaire, la seconde moitié du XVIIe siècle, ce n'est pas le siècle des Anglais, c'est le siècle du XIV. La distinction qu'il faut introduire donc pour comprendre l'opération, c'est la distinction entre siècle du XIV et règne du XIV. L'éloge sans nuance ne concerne que le siècle, c'est-à-dire toute la partie porte, si j'ose dire, sur les sciences, les arts, Racine, Lully, etc. Par contre, le règne de Louis XIV, du côté du règne de Louis XIV, l'éloge sans nuage, qui est propre de tout éloge d'ailleurs, la dimension épithétique, la dimension de l'éloge, disparaît. Confronté à la réalité politique, sociale et religieuse de ces 80 ans d'histoire de France, tout ceci d'éloge disparaît. Les faits et gestes de Louis XIV et des hommes de son temps sont soumis à la critique historique. à une méthode que Voltaire considère explicitement, justement, moderne. C'est la méthode moderne qui s'applique au règne. Et on découvre que le règne est moderne, mais pas tant que ça. Les contraintes de l'éloge disparaissent, l'analyse critique se déploie et investit les autres domaines historiques. On quitte Lully et on discute des guerres. Le règne de Louis XIV a sans aucun doute participé, certes. Je ne vais pas m'arrêter trop sur les côtés positifs, mais je les évoque quand même, parce que ça m'intéresse moins, c'est plus connu. Louis XIV a tout d'abord créé les conditions politiques, tout d'abord, pour que son siècle advienne. Donc il a une grandeur en ce sens. C'est la grandeur personnelle, c'est le protecteur des arts, des artistes. Il a fait de sa cour un modèle de savoir-vivre. La culture française et sa langue deviennent celles de l'Europe. Il modernise l'administration, il centralise le pouvoir, etc. Son règne est donc une contribution indéniable pour que la France devienne un peu plus moderne. L'idée de rupture historique sur ce point est présente. Louis XIV est une rupture, politiquement, économiquement, socialement, mais non pas par rapport au siècle, c'est-à-dire aux sciences, aux arts. Est une rupture par rapport à l'époque précédente. Il a fait naître une nation en obligeant, en contraignant les Français à obéir lorsqu'un groupe d'individus obéit à une seule autorité. Cette obéissance collective crée un corps social. Sur ce sens, Voltaire est très fin. Cependant, entre l'éloge du bon goût et la recherche sur les mœurs militaires, sous le voie, il y a changement total de perspective théorique, de méthode d'analyse, de genre historiographique. Ce ne sont pas les mêmes méthodes que Voltaire utilise en analysant Lully, les sciences, les arts, et en analysant Louvois, les guerres, Colbert. Autrement dit, Voltaire applique à ce qu'il appelle le siècle le plus éclairé qui fut jamais. C'est un de ces mots que l'on trouve dans tous les manuels. Il applique à ce siècle le plus éclairé qui fut jamais un droit d'inventaire, sans concession. Ce sera donc la troisième partie, le droit d'inventaire. Que dire, non plus du siècle de Louis XIV, qui déjà contenait donc des ambiguïtés, vous l'avez compris, parce qu'il ne s'agit pas d'une rupture, mais que dire du règne de Louis XIV? Et tout d'abord, juste pour provoquer Voltaire lui-même, est-ce que Louis XIV était véritablement un grand homme? Beaucoup de pages ont été consacrées à la notion voltairienne du grand homme. Notion opposée naturellement à celle de héros. Ça commence par le Charles XII, ça continue par le Grand, etc. C'est une sorte d'antienne qu'on répète, le grand homme. À la question que je viens de poser, on a répondu presque toujours, bien sûr. Loin de moi de contraster ce lieu commun historiographique, que je partage, en grande partie. Ce n'est pas parce que c'est un lieu commun que c'est faux. En effet, n'a-t-il pas œuvré pour que le peuple, son peuple, chemine sur la voie du perfectionnement? La nation française n'était-elle pas plus civilisée à sa mort qu'à son arrivée sur le trône? En même temps, tout cela ne concerne pas forcément, je le disais, le règne. Si on considère les 35 chapitres qui ne se portent pas sur... C'est un sabotage. Les 35 chapitres qui ne portent pas sur les sciences et les arts, la liste des travers, des insuffisances, des crimes même de ce règne pourrait être longue. Je vais d'ailleurs m'y atteler dans l'introduction à l'édition. Là, je vais vous donner juste quelques éléments. La politique judiciaire. La réforme des codes de procédure pénale est sans doute un des points forts du perfectionnement de l'esprit humain au temps du règne de Louis XIV. Voltaire, toutefois, y consacre un éloge indéniable, mais aussi très bref, presque en passant. Il s'agissait en effet d'une avancée par rapport au code précédent, mais une avancée tout à fait insatisfaisante. Faut-il rappeler que l'affaire Calas, je le disais tout à l'heure, et les autres furent instruites à partir des codes de Louis XIV. La politique économique de Louis XIV, largement traitée par Voltaire, dont l'admiration pour Colbert est célèbre, Cette admiration que Voltaire confirme au Colbert dans sa lutte contre les physiocrates des années 70 et 70. En effet, c'est une admiration un peu étonnante. J'avoue ne pas avoir des idées parfaitement claires sur ce point. Dans les lettres philosophiques, Voltaire se pâme devant la liberté de commerce qui caractérise l'économie anglaise. Et il fait de même d'ailleurs à l'égard des provinces unies dans le siècle XIV. Dans le monde moderne, comme il semble le concevoir, le libre commerce semble un élément constitutif pour poursuivre le double objectif de favoriser la paix et de garantir la tolérance religieuse. Comment donc concilier cet idéal de moderne avec l'admiration pour le mercantilisme de Colbert et de Louis XIV? Colbert, ce n'est pas la paix par le commerce, c'est la guerre par la réglementation et le protectionnisme. Sans compter qu'après la mort de Colbert en 63, donc très tôt dans le règne, il avait 30 ans de règne, Louis XIV n'aura plus aucune politique économique digne de type moderne et ses ministres reviendront aux pratiques financières archaïques qui avaient coûté la liberté, voire la vie, à Fouquet. La politique étrangère de Louis XIV ne semble pas non plus, seulement qu'on puisse dire, empreinte d'esprit moderne et pacifique. Louis XIV fait sombrer son pays dans plusieurs décennies de guerres, provoquées toutes par son agressivité et son outrecuidance. Sauf en exception près, la guerre de succession d'Espagne. Et c'est à propos de celle-ci que Voltaire écrit des pages excessivement favorables à ce roi, obligé par les puissances étrangères à faire une guerre qu'il ne voulait pas. Mais par rapport à toutes les autres guerres, à partir de 67, Voltaire ne pardonne rien à Louis XIV, avec des mots, des phrases, des propos qui sont étonnants sous la plume de quelqu'un qui est censé faire l'éloge permanent du règne. Du roi. Écrasé, il ne pardonne rien, à commencer par l'agression injustifiée des provinces unies en 1672. Écraser ces peuples d'impôts pour mener des guerres inutiles n'est pas le fait d'un grand homme. Le même roi porte aussi la responsabilité directe de plusieurs massacres qui ont rendu le nom français haï et détesté en Europe. Les massacres perpétrés dans plusieurs villages hollandais comme Swammerdam, ou encore pire, si possible, le pillage et l'incendie, complètement justifié, véritablement terroriste dans le sens qu'il voulait juste insuffler de la terreur, le pillage et l'incendie du Palatinat, voulu par le roi sans doute, mais pas arrêté par Louis XIV, qui Voltaire écrit à un certain moment. Les maisons du Palatinat étaient incendiées et, pendant qu'à la cour de Versailles, pendant qu'à la cour du roi, on chantait, on dansait dans une insouciance coupable. Et puis, que dire de la politique religieuse de Louis XIV? C'est un contre-exemple total de l'attitude qu'on devrait définir comme moderne. Voltaire place à la fin de l'ouvrage ces 5 chapitres. Il avait prévu de les placer en début, mais après il les place à la fin, c'est très significatif, j'essaierai de l'expliquer. Il les place à la fin. Ces 5 chapitres consacrés aux querelles religieuses qui ont empoisonné l'ensemble du règne de Louis XIV. Si le moderne signifie l'indépendance du politique par rapport au religieux, associé à la tolérance, la politique du grand roi est tout simplement catastrophique. Certes, il est gallican comme son clergé, il parvient à mater la cour de Rome par rapport à la régale et à imposer son point de vue. Enfin, il a belle lurette que le roi de France ne craignait plus d'être excommunié. Et le combat de Louis XIV est un combat presque d'arrière-garde. En revanche, sa politique à l'égard des jansénistes et des quiétistes est le point le plus bas de sa carrière de roi. Nous sommes à la limite de la honte. On ne saurait voir un grand homme au moment où il intervient, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans des querelles de théologiens qui répriment Madame Guyon, le roi de France, qui s'occupe de Madame Guyon, qui s'occupe des quiétistes, qui s'occupe de Fénelon, qui veut écraser le jansénisme, qui avait effectivement une portée sociale plus importante. Mais comment fait-il? Eh bien, il appelle à son secours le pape, Il veut l'écraser, le jansénisme, à coups de bulles. Et cerise sur le gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, il détruit Port-Royal, il exhume le cadavre des bonnes sœurs, il les disperse, ce qui révulse profondément Voltaire. C'est vraiment pas, non, franchement, l'ambiguïté du moderne chez Louis XIV me semble quand même évident. Sans compter naturellement, je ne citerai pas sur l'impardonnable acte de révoquer l'édit de Nantes. Nous sommes dans le cadre de la tolérance la plus totale et Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Il est significatif que dans le dernier, j'ai pratiquement terminé, que dans le dernier chapitre de l'ouvrage, le 39e chapitre, un chapitre très curieux, très bizarre, car c'est un chapitre consacré au rite chinois, de manière assez surprenante, après avoir traité des jansénistes, des quiétistes, des protestants, il termine avec un petit chapitre sur les rites chinois. On s'est toujours posé la question pourquoi, là aussi je vais donner quelques explications. Ici je dirais tout simplement que le 39e chapitre est le seul dans lequel Louis XIV n'est jamais cité. Jamais. Le souverain tout-puissant, cette espèce de fin, un coup de poisson qui est le siècle. Le souverain tout-puissant, mais trop attentif aux illusions religieuses, disparaît lui-même comme une ombre. Quid des qualités de l'homme, Louis XIV? Quid des qualités des hommes qui sont autour de lui? Colbert et Louvois. Dans le cas de Louvois, bien sûr, Voltaire ne se prive pas, mais c'était unanime à l'époque, de partager la détestation. À propos de Colbert, il ne se laisse jamais d'admirer les ministres, mais il a des propos terribles sur l'immoralité de l'homme, sur l'immoralité du courtisan, qui participe par la trahison et la mauvaise foi à la chute de Fouquet. Il ne cache rien. Quant au roi lui-même, innombrables sont les critiques à l'égard de sa moralité et de son caractère, la manière où il traite Lauzun, la manière où il traite Foucault. Il aurait mérité Fouquet. Ou bien, juste un exemple pour terminer, et je passe vraiment aux conclusions, la célèbre anecdote du masque, de l'homme au masque de fer. Si elle était vraie, et Voltaire, permettez-moi le mot, il croyait comme fer. S'il était vrai, cette anecdote, il y avait deux possibilités. Soit le roi ne savait rien, et dans ce cas, sa grandeur, sa souveraineté en France est créée coup. Car ça veut dire qu'il avait un pouvoir occulte que le roi ne maîtrisait pas. Soit il le savait, et donc il a sciemment gardé prisonnier son frère jumeau pendant toute sa vie, avec une attitude, un comportement machiavélien, qui, lui, il est effectivement très moderne, mais qui n'est absolument pas approuvé par Voltaire. Enfin, donc, pour un mot de conclusion, pour Voltaire, le règne de Louis XIV n'est pas le temps de la liberté. Le temps de Louis XIV est le temps de la grandeur. Et pour que ce soit le temps de la grandeur, c'est la grandeur de la raison esthétique, et non pas de la raison politique, morale, militaire. Le temps de la liberté, le siècle de la liberté, est celui des Anglais. Et je ne le dis pas seulement parce que les Anglais m'ont permis de faire ce merveilleux travail, à travers la Fondation Voltaire. Le siècle de la liberté est le siècle des Anglais, car c'est du côté de l'Angleterre que l'on trouve une politique libérale, libérale en économie, libérale en politique, libérale en religion. L'Angleterre est le véritable temple de la liberté, mais l'Angleterre ne connaît pas la grandeur. Ce n'est pas étonnant. Auguste aussi, c'était la grandeur sans liberté. Laurent de Médicis aussi, c'était la grandeur sans liberté. Avec Périclès, ça se discute, d'autant plus qu'il cite également Alexandre. Il y a toujours dans les siècles cette idée de la grandeur sans liberté que Louis XIV reprend parfaitement. Donc on comprend pourquoi il a périodisé de cette manière-là. La grandeur des siècles semble donc s'accommoder de régime à l'autorité affirmée, ou affermie, comme dit Voltaire. Le règne du XIV donc est sans doute moderne, pas seulement du point de vue chronologique, mais il ne s'agit nullement d'un moderne éblouissant. Ces ambiguïtés ne sont que le résultat du travail, le constat, ne sont que le résultat du travail d'un historien maître de la raison critique, qui constate donc cette ambiguïté de la réalité elle-même. J'insiste sur ce point, Voltaire n'est jamais au-delà des éloges, mais quand il sort de l'éloge, il travaille un historien. C'est un historien toujours de l'ambiguïté, du clair-obscur, du refus de la du système, du refus d'une idée d'un moderne qui soit une marche triomphale vers le bien. Nous sommes très très loin de ça. Ces avancées du perfectionnement de l'esprit humain ne sont pas forcément destinées à continuer. Je voulais terminer sur ce point. Avec une sagesse que trop de ses successeurs ont oubliée, Voltaire ne prend jamais l'attitude du dédain, projetant dans l'avenir les traits historiques qu'il voit à l'œuvre à son époque. Aucun triomphalisme jamais chez l'historien du moderne. Certes, il espère, il écrit que des progrès seront possibles, mais il sait que le bois de l'humanité est tordu, comme aurait dit deux siècles après lui le grand Isaac Berlin. Et c'est bien la seule donnée inéluctable qui lui semble raisonnable. La raison historique et politique voltairienne demeure d'une triste actualité. Une raison combative, mais sans illusion progressive. Consciente que le perfectionnement de la société humaine est un horizon, jamais un acquis. Et le moderne n'est qu'une étape. Les temps modernes sont un moment particulièrement riche de ce perfectionnement, sans être définitif ni paradigmatique. L'infâme rôde, et aucune époque, la moderne en particulier, n'est à l'abri. Pour moi, un dernier mot, si vous me permettez. Voltaire écrit dans une lettre en 1735 « J'aime la saine antiquité, je dévore ce que les modernes ont de bon. Je mets au-dessus de tout les douceurs de la société. » Ce sont justement ces douceurs de la société que les modernes connaissaient si bien, que les anciens n'ignoraient pas et qui nous aimons tant, qu'ont été frappés par l'infâme il y a 3 semaines. Voltaire nous avait prévenu, l'infâme, hier comme aujourd'hui, est l'ennemi le plus dangereux du moderne, car l'infâme déteste justement les douceurs de la société. Je vous remercie.